Salut Charlie. Pour la semaine. Alex. Oui, tout. Guillaume. Ouais, ça va, ça va. Enfin bon, alors les sujets. Donc moi j'avais pensé. Ah oui, c'est une bonne idée. Je suis d'accord aussi, c'est bien. Les gars, attendez, j'ai encore rien dit là. Ah bah quand tu vas dire, ça risque d'être très pertinent. Ouais, ça sera pertinent, c'est sûr. Je sais pas ce qu'ils ont. Non mais c'est pas grave, on va s'occuper des sujets. Oui, bon alors donc il y a Hollande en Arabie Saoudite. Parce que en fait, tu vois Charline, on avait raison, c'est bien, c'est un très bon sujet, c'est nickel, tu choisis fort bien. Comme d'habitude. Non mais vous avez bu ou quoi? Bon non, on boit pas avant 11h du matin. Non, disons que c'est une autre sorte d'ivresse. C'est, ouais, enfin, c'est insupportable cette béatitude. Oh, insupportable, ça on va régler les problèmes. Alex, oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah aujourd'hui, il y a Clara Dupont-Mono qui revient dans l'émission. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, ok, bah, l'autre, là, Guillaume, là, bah, c'est les retours de Clara aussi qui te met dans cette tête. Bah, non, c'est pas mon genre, Clara, elle est trop à droite. Bah, ah, oui, attends, t'es pas prêt de trouver une fille plus à gauche que toi. Ah, bah c'est pas sûr, justement. Qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? Ouais, Clémentine Autain. Eh ben voilà, et même Jean Jaurès, il est de droite à côté de Clémentine Autain. Ouais, c'est bon, on les a perdus. Ah, ouais, carrément. Bon, les gars, réveillez-vous, hein, vous n'avez aucune chance. Jalouse. Vous savez, non, mais vous savez ce qui plaît à ces femmes, de droite comme de gauche, d'ailleurs. Bah, non, c'est des mecs malins qui ont un avis sur les choses. C'est nous. Qui comprennent le monde. Mais c'est nous. Qui choisissent des sujets. C'est pas nous. C'est pas nous, là. Non. J'aurais essayé. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui attache l'actualité au radiateur. Et voici les trois informations qu'on va prendre en otage jusqu'à 18h. François Hollande est encore en voyage. C'est Flying François. Et pour la quatrième fois en 3 ans, le président est en visite en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? L'autre François, le pape, il veut réhabiliter la politique et il exhorte les catholiques à s'engager en politique. Quitte, je cite, à se salir un peu les mains et le cœur. Amen. C'est tout de même prendre un risque au moment du jugement dernier. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Politique, hein, c'est normal. Notre conseil du jour, pour étudier l'histoire, chanter l'histoire. Oui, c'est une solution puisqu'on nous dit que les programmes au collège sont mal foutus et que les élèves en pâtissent. Qui connaît deux dates? Marignan 1515 et la Révolution française en mai 68. Et pour faire des nœuds bien serrés et attacher la formation au radiateur, vous pouvez compter sur Alex Vizorek. Mais bonjour Charline, et aujourd'hui autour de la table, deux éternels départs et un vrai retour à 17h20. Il a été vice-champion du monde 2006 de jingle réalisé uniquement avec la bouche, devancé seulement par Motus et son célèbre oh oh oh oh oh oh. Il s'agit de Thomas VDB. Bravo, mais je ne connais pas ce jingle de Motus. C'est la boule noire, c'est la boule noire. Le jingle de la boule noire. De quoi allez-vous nous parler? Eh bien, on va parler du festival de métal qui s'appelle le Hellfest, qui a lieu en Loire-Atlantique et dont le site a été vandalisé ce week-end par des ligues catholiques. On va donc parler de Moyen-Âge. Donc la sidérurgie, festival de métal. Absolument. À 17h30, l'aberration du PAF. Ah, voilà, c'est seul intervieweur qui s'enorgueille de poser des questions bêtes pour avoir des réponses bêtes. La plupart de ses confrères refusant d'admettre la bêtise de leurs interrogations. Bonjour Guillaume Meurice. C'est bien résumé. Bonjour Alex, bonjour. Merci. Charline. Alors moi, à l'occasion de la naissance du Royal Baby, je me suis intéressé au mouvement royaliste en France afin de bien faire comprendre aux Français qu'ils ne sont pas condamnés à vivre en République. Et voilà, il y a un espoir, les amis. La République n'est pas une fatalité. Et à 17h40, enfin, je me dois de marquer le coup par un alexandrin. Qu'ils furent longs ces jours sans entendre ces mots, la voilà de retour, Clara Dupont-Mono. Bravo, je 12 préfère... pieds, 12 pieds, 12 pieds. Je préférais le râle avant. Que... Comment allez-vous? Vous avez passé bonnes vacances? Ah bah, Copacabana il rendrait... Il a pris ses 12 pieds pour le râle. Oui, c'est ça, exactement. Copacabana rendrait heureux un moine jésuite à la Guillaume Meurice. Bon, vous avez travaillé pendant 12 jours. J'ai beaucoup travaillé et je vous ai ramené une chronique sur un roman qui parlera de la révolution des œillets au Portugal, anniversaire passé honteusement inaperçu. Très bien. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un référent de la République. Vous êtes né sous Pompidou. Vous devenez adjointe à la jeunesse de la ville de Paris sous Delanoë en 2001. C'est l'année où la Grèce intègre la zone euro. Vous relancez et co-dirigez la revue Regard à partir de 2010. Quand éclate une affaire qu'étrangement Regard a passé sous silence, l'affaire Zaya. Vous êtes élu au conseil municipal de Sevran en 2014 quand la France découvre une nouvelle maladie orpheline, la phobie administrative. Et donc, vous êtes, je vous laisse nous le dire. Une référente. Oui, c'est vous. Oui, oui, oui. C'est vous. Clémentine Autain. Clémentine Autain avec nous. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Clémentine Autain, alors vous avez sorti en janvier « Nous avons raison d'espérer » chez Flammarion. Vous dites « fragments de vie politique ». C'est vrai que dans la politique, on se demande si des fois il ne reste pas que des fragments en ce moment. Vous, en tout cas, vous rassemblez les vôtres dans cet ouvrage paru chez Flammarion. Vous êtes aussi co-directrice de la revue Regard, on va en parler, on se l'a pas creusé ce matin. Et puis, vous êtes aussi donc conseillère municipale de la ville de Sevran, en Seine-Saint-Denis. Et vous, alors, vous êtes dans une composante du Front de Gauche qui s'appelle Ensemble. Alors, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ça? Parce que nous, on est un peu perdus dans les différentes mouvances des différents partis qui sont fragmentés, tels les fragments de vie politique de votre livre. Qu'est-ce que ça a de différent Ensemble? Vous êtes plus ou moins à gauche que Jean-Luc Mélenchon? Ah, je ne sais pas si vous raisonnez de la sorte. C'est des histoires politiques qui sont différentes. Jean-Luc Mélenchon est sorti du Parti socialiste et avec des militants qui venaient de PRS, il a créé le Parti de gauche. Voilà. Moi, je viens de la gauche radicale. J'ai toujours été militante dans cet espace-là. D'ailleurs, en général, dans les groupuscules. Non, j'ai jamais été membre ni du NPA ni du Parti communiste français. Voilà, j'ai toujours été dans des groupuscules en fait depuis pas mal d'années, mais toujours dans cette volonté de rassembler les différentes traditions, cultures, sensibilités d'une gauche de transformation sociale et écologique. Ça fait quand même 20 ans que je suis sur cette balade. Elle est plus à gauche que Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Faut résumer aussi des fois. Je ne crois pas qu'on puisse les différences de culture, de trajectoire, etc. C'est pas simplement plus ou moins à gauche. Ça peut signifier d'autres types de différences que simplement le braquet. C'est intéressant parce que vous parlez de gauche radicale. Est-ce que c'est pas aussi une manière, ça, de vous mettre à l'écart? Je n'aime pas l'extrême gauche. Le terme extrême gauche, pour moi, est un terme qui met justement à l'écart dans un petit précaré. Ouais. Radical, c'est pas un terme parfait. Mais parce qu'on entend sans concession, quand même. Ouais. Ben, en fait, non. Radical, c'est prendre à la racine. Et je crois qu'en effet, ce qu'est notre gauche, c'est une gauche qui essaye de regarder d'où vient le mal. Et par exemple, sur la question de la logique du profit, pour prendre un thème classique auquel on est à juste titre associé, c'est de pas simplement à cheval se dire « Ah, ben, c'est catastrophique, on se retrouve devant des délocalisations, des ci, des là, des patrons qui gagnent 400 fois le SMIC, il y a un problème de morale et tout ça », mais de comprendre que c'est le système lui-même qui génère ces inégalités, ces injustices, ces formes d'exploitation. Donc c'est, la gauche radicale, c'est d'essayer d'aller à la racine d'un certain nombre de problèmes. C'est plus joli, gauche racine que gauche radicale qui paraît plus violent. Pourquoi pas? Ben nous on s'appelle Ensemble. Excusez-moi de vous donc aider c'est pas très violent. Marketing, voilà, pour Environ Mouvement. Et d'ailleurs vous auquel j'appartiens et dont je suis porte-parole, c'est donc Ensemble qui est une des trois composantes du Front de Gauche. Il y a le Parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon, le Parti communiste français et Ensemble qui et je dirais alors il faut toujours se différencier alors qu'il y a quand même aussi du commun. Enfin, mais pour l'instant vous êtes Ensemble mais séparément. Un petit peu, c'est un peu le résumé du Front de Gauche. On est, vous êtes alors, en ordre dispersé. Oui, c'est ça. Nous sommes dans un moment où je crois qu'il y a besoin d'ouvrir une nouvelle phase, une nouvelle étape, avec un élargissement c'est d'ailleurs. Ça, élargissement grand, hein. Aux écolos, voilà. À Nouvelle Donne et aux frondeurs. Exactement. Jusqu'à Montebourg, les frondeurs. Je voudrais juste rassurer l'auditeur ou l'auditrice désespérée devant ce constat. Syriza, l'histoire de Syriza en Grèce, ce n'est que ça. Il y a eu avant, mais si je vous ai l'exégèse, un jour on m'avait expliqué Synapismos, c'était déjà il y a quelques années. Donc Synapismos, c'est l'ancêtre de Syriza. Dans Synapismos, il y avait déjà, je me souviens, m'avait fait avec un papier et un crayon, il y avait 8 courants, sous-courants de je ne sais combien qui venaient du Trotsky, de l'écologie machin, des anciens du Parti communiste français, etc. Aujourd'hui, vous avez Syriza. Et Syriza, voilà, ça vous parle, etc. Mais Syriza, c'est une force politique unique qui est le fruit d'années et d'années de recherche d'unité nouvelle et qui a permis en Grèce d'arriver aux responsabilités. Donc voyez, ce patient travail, il correspond aussi à la crise de la tradition du mouvement ouvrier en France et partout en Europe. Il est à l'image de cette crise-là. Et donc, oui, nous sommes dans un travail de refondation. Et dans la refondation, il y a quelque chose d'un peu fastidieux, sur lequel on peut ricaner parfois, de fragmentaire. Ouais. Et je pense que l'étape du fragment est aussi un moment pour dégager de nouvelles cohérences. Si vous faites toujours les mêmes récits, si vous continuez à être toujours dans votre parti en pensant que rien ne peut bouger, alors je crois qu'on est dans la répétition et pas dans l'invention. Il faut chercher pour trouver. C'est pour ça que vous dites « Nous avons raison d'espérer » dans votre livre. Nous le devons. Alors attendez, que vous regardez aussi vers Syriza et vers Podemos, mais dans Regard, je lis Podemos, vous parlez de... il y a un article, un portrait de Pablo Iglesias, et en couverture, non, il n'a pas changé. En rappelant que quand il était à l'Université de Madrid, il prenait littéralement le pouvoir à la faculté de sciences politiques en faisant pression sur les professeurs, imposant les idées en allant jusqu'à organiser des boycotts des conférences des partis de droite. Le style est autoritaire, mais chacun l'admet, c'est pour le bien commun. Il y a d'ailleurs des débats actuellement dans Podemos. Mais dans Podemos, si le gouvernement vous faisait du pied en vous disant Clémentine Autain. C'est le gouvernement d'aujourd'hui. Oui, on en a mis un là, mais il est pas, il est temporaire. Si c'était un peu le gouvernement français. Sur un peu, c'est un moment le modèle, un moment qu'il y a eu des écologistes. Si, à un moment, on vous disait, venez au sein du gouvernement, être dans la place pour représenter vos idées. Est-ce que vous iriez? Ou est-ce que vous attendez plutôt? Vous parlez du gouvernement de François Hollande? Oui. Ça l'a fait marrer. Là, j'avoue que c'est une question. Non, parce que c'est pour savoir. Est-ce que oui, parce que c'est l'idée de décider ses idées dans la place comme un moment où les écologistes. Oui, moi, je suis pour être en responsabilité. Mais dans ce cas-là, cette logique que vous suggérez est une logique qui a conduit, par exemple, un Bernard Kouchner à aller chez Sarkozy. Parce que c'est sans fin cette logique-là. À chaque fois, d'essayer d'amener avec son petit paquet de dire, mais moi, je vais réussir contre tous. Je ne crois pas à ça. Je pense qu'il y a des cohérences globales et la cohérence globale de la politique gouvernementale n'est pas la mienne, parce qu'elle échoue d'abord sous nos yeux. C'est une politique de restriction des budgets publics qui crée de la récession économique, qui creuse les inégalités sociales, qui en plus sur tout un tas de sujets et dans un niveau de recul. Enfin, je veux dire, je ne vois pas comment je peux être au gouvernement avec Emmanuel Macron qui nous explique que des jeunes en France doivent rêver d'être milliardaires. On vous imagine mal, Clémentine. Mais excusez-moi, mais là, vous voyez, c'est un gouffre qu'il y a en notre nous. Je le regrette. Mais je crois qu'on est dans ce moment historique où des décennies d'union de la gauche sont en train d'être battues en brèche. Et elles le sont d'abord par le Parti Socialiste qui tourne le dos aux valeurs de la gauche, ce que je regrette profondément. Et Clémentine Autain nous dit donc tous les mêmes, et elle va essayer de nous prouver qu'elle pas avec Ensemble. Allez, c'est Stromae, vous êtes sur France Inter jusqu'à 18h. Tous les hommes et tous les mêmes, macho mais tu, monde de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites. Vous avez de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi, je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, tu pensais. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Stromae sur France Inter, tous les mêmes autour de cette table. Bienvenue à toi, camarade. Oui, la politique, une chanson féministe ou... C'est donc la voix de Clémentine Autain qui appelle Stromae. Et il sera le bienvenu quand à il voudra. À rejoindre ensemble, ou on ne sait pas, le front de gauche ou bon. Et à table, ce ne sont pas tous les mêmes puisque nous avons du Thomas VDB, nous avons du Guillaume Meurice et nous avons le grand retour. Et j'ai vu sur les réseaux, le public est aussi content que moi de retrouver Clara Dupont. Allez, Alex Vizorek, vous avez lu la presse comme moi ce matin. Oui, et survolé, on a essayé de faire la lessive à deux dans tout ça. Charline Van Nacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par François Hollande. Pour renouer avec l'opinion, il va entamer fin mai un Tour de France. Et il a des chances de gagner, il est excellent en descente. Passons à la droite. Alain Juppé, qui rentre de New York où il est allé récolter des fonds auprès de sympathisants français. Ouais. Juppé à New York, il a trop le swag. Et puis lui, quand il va à New York, il récolte de l'argent sans faire une conférence. Rappelons qu'Alain Juppé séduit une frange de la gauche. Et c'est bien la première fois que Juppé a une frange. Excellent, les blagues capillaires, ça ne rate jamais. Ça, c'est le gros succès de l'émission, c'est les blagues capillaires. Il se coiffe avec une éponge. Bien sûr, moi j'ai bien aimé. J'ai il se coiffe avec une éponge. Passons au centre. Hervé Mariton organisera son université d'été et invitera ses amis à Suze-la-Rousse. Ah, mais NKM est considéré comme une amie? Ah, je ne sais pas, de toute façon, elle est au burn. Hein. Ah oui, oui. En tout cas, c'est amusant. À Suze-la-Rousse, apparemment, voilà, apparemment, c'est Yvette Horner qui assurera l'animation. Bonne ambiance. Passons à l'économie. Pierre Gattaz, il cherche à embaucher 12 apprentis pour son usine dans le Jura. L'usine Radial qui fabrique des pièces pour l'aéronautique et il a du mal à trouver 12 candidats à l'embauche. Ouais, c'est normal parce qu'avoir Pierre Gattaz comme patron qui a envie de travailler 25 heures sur 24, y compris le dimanche. C'est pas très motivant. Pierre Gattaz qui porte toujours au revers de sa veste le fameux pins, 1 million d'emplois, qui est son objectif pour la France. Allez, un petit effort, Pierre, s'il parvient à embaucher, il ne restera plus que 999 988 emplois. Très bien, vous comptez bien. Et un nouveau pins. Sport à présent. Je vous avais parlé vendredi d'un reportage choc sur le dopage dans Stade 2. Et eh bien, effectivement, je l'ai regardé dimanche et on voit des sportifs, des bons sportifs amateurs prendre du dopage à petite dose. Et les résultats sont impressionnants. Ils passent à travers les contrôles antidopage, et ils font beaucoup mieux qu'avant, et il y a des conséquences aussi extra-sportives. Écoutez un moment de ce reportage. Dans son travail aussi, Guillaume Antonietti se sent changé. Il y a une sorte d'agressivité, en fait, et que je n'avais pas avant. Enfin, c'est très étonnant. Très étonnant, grosse excitation au travail, donc de là conclure que Nicolas Sarkozy est le Lance Armstrong de la politique. Je ne ferai pas ce culture pas. À présent. Oui, 5 villes sont candidates pour abriter le musée européen des médias. Ah, on saura donc bientôt où on va pouvoir ranger Michel Drucker. C'est gentil pour lui. Et on termine par une information forte. Oui, hein, comme j'aime bien, hein, vous savez. Oui. Val-de-Marne, un couple vole pour 1400 euros de cartes Pokémon. C'est grave ce qui se passe en Ile-de-France, on n'est pas à l'abri qu'un djihadiste prenne Dingo en otage à Marne-la-Vallée. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 18h en compagnie de Clémentine Autain. Alors, on va aborder le premier sujet avec vous, Clémentine. C'est son 150e voyage en 3 ans. Flying François est en visite au Qatar et en Arabie Saoudite. 150 voyages en ça 3 ans. Bien, Flying François. Hollande, c'est le nouvel ami des princes du désert et il s'est bien préparé pour ça. Il serait bon que vous m'appreniez 2-3 rudiments d'arabe pour ce soir, que je passe inaperçu. Très bien, commençons par le début. Wahid, Jouj, Thlatha, Harba, Hamza. Wahid, Jouj, Thlatha, Harba, Hamza. Très bien. Ça veut dire quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Ça me sert à rien. Sauf si je dois compter jusqu'à 5. Et là, en revanche, ça pourrait me servir. On peut compter jusqu'à 24, Hollande, parce qu'il signe un contrat pour 24 rafales avec le Qatar. Alors, j'ai lu une phrase de Serge Dassault. Je m'en suis toujours permise. Clémentine Autain, je voulais savoir si vous allez vous en remettre. Serge Dassault a dit, non sans humour, je suis de droite, mais je fais mieux mes affaires avec la gauche. Et c'est vrai que sous Chirac ou sous Sarkozy, zéro rafale vendue. Sous François Hollande, en trois mois, 84 rafales vendues d'un coup. C'est rigolo, comme bien sûr. Bien alors sûr. Ça, et d'ailleurs, ça... Oui, non, mais c'est assez particulier. Enfin, ça vous envoie de ajouter... rire sur du Serge Dassault, j'ai l'impression. De rire sur... Vous n'êtes pas prête encore à ça. Sur Serge Dassault, non. C'est... D'ailleurs, je vous recommande d'inviter mon ami Bruno Piriou qui se bat à Corbeil contre Serge Dassault et qui sort un livre là, tout prochainement sur le système Dassault, et c'est assez effroyable. Non, pour revenir à François Hollande, ce qui est tout à fait cocasse, c'est de voir qu'il a refusé de vendre des rafales à la Russie au motif qu'il y avait des problèmes avec le régime ukrainien, ce que on peut comprendre. Mais si c'est pour aller vendre à la place au Qatar, qui quand même, d'avis aiguisé, dirons-nous, fait partie de ceux qui ont financé des réseaux terroristes, Al-Qaïda, ou en tout cas des filières d'Al-Qaïda, etc., je trouve l'affaire absolument dramatique. C'est-à-dire que nous faire des grands discours sur la fermeté de la France pour lutter contre les réseaux djihadistes, et avec la loi qui est votée sur le renseignement, qui est une loi liberticide tout à fait contestable, d'un côté au nom de la lutte contre le terrorisme islamique, mais par contre, pour vendre 24 rafales, ça crée de l'emploi. Bien sûr, contrat de 6,3 milliards d'euros. Bien que, voilà. Et vous voulez que je rentre dans un gouvernement comme ça? Mais comme ça, vous auriez et fait Michel, vendre avec 12. Michel Sapin, je ne sais pas si vous l'avez vu, celle-là qui était quand même extraordinaire, parce qu'ils vont aussi investir avec cette loi renseignement, etc. Il faut des nouveaux moyens pour l'armée, donc on met des milliards dans l'armée. Et il a osé dire, on prendra sur le logement et la santé pour voir aux moyens qui permettent de développer l'armée. Si c'est ça la gauche, franchement... Les bras m'en tombent. Eh oui, donc voilà, donc la conclusion... Ou les cheveux, je ne sais pas, pour rester dans le capillaire, c'est pas que j'en ai des tonnes. Mais... Et voilà, sur ce sujet de réel politique. Thomas VDB, c'est moi. À cette heure-ci, oui. C'est l'heure du jingle fait avec la bouche. Évidemment, puisque Clémentine n'a pas l'air d'être au courant, mais de la musique et des actualités, eh bien c'est la page actualisique de Thomas VDB. Eh ben oui. Ah bah oui, ça c'est n'a pas l'air jingle. De l'emballer plus que ça. En tout cas, eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du le Hellfest. Ah, le Hellfest. Je suis fille de chanteur, donc moi, la musique, ça va. Ah, mais vous, fille de chanteur de métal. Ah, vous regardez visiblement pas. Une bonne suggestion, tiens. Alors, mon père de faire du métal. Puisque je voulais vous parler du Hellfest, qui est le Hellfest, c'est un des festivals de musique heavy metal les plus importants d'Europe. La 10e édition aura lieu du 19 au 21 juin prochain à Clisson. Clisson, c'est une petite bourgade de Loire-Atlantique qui, chaque année, trois jours durant, devient la capitale du trash et du heavy metal. Hein, puisque sur le reste du temps, Clisson n'est la capitale de pas grand-chose, hein, je pense, finalement. Alors, le Hellfest, donc, ça veut dire fête de l'enfer, mais si vous y allez, vous verrez que c'est juste tout simplement la fête. Hein. Et donc, il faut savoir une chose, c'est que ce week-end, moins donc de deux mois avant l'événement, Clisson a été le théâtre d'événements pas très catholique. Ou plutôt, je dirais que Clisson a été le théâtre d'événements un petit peu trop catholique. Hein, puisque la scène se passe donc hier matin. Il est 11h environ, et comme chaque dimanche, Ben Barbeau, le fondateur et responsable du festival Hellfest, s'apprête à aller faire sa promenade dominicale sur le site du festival. Un parc magnifique et bucolique, dans lequel le dimanche, il aime aller promener son chien Titi, avant d'aller manger le gigot chez sa mamie. Je voulais donner un côté un peu Pierre Belmar à cette chronique. En arrivant sur le site qui doit accueillir son festival le mois prochain, le créateur du festival découvre qu'une partie des décors du festival a été saccagée, qu'une centaine d'arbres et de plantes ont été arrachés, que des voyous ont fait des graffitis sur les équipements, graffitis qui donnent à lire des choses comme « Va des rétro Satan hein, » ou bien « Saint-Michel, sauve-nous hein, ». On se dit « Tiens, je crois que ça donne une idée de la gueule des voyous hein, ». Voilà, parce que j'aime bien le vandalisme catholique, hein, les gars ils coupent des arbres, les gars ils te taillent les haies. Ça c'est bien. D'ailleurs, il y a un autre graffiti qui menaçait carrément J-47, premier avertissement. Hein, les mecs ont marqué ça sur le site du festival. Faudra pas s'étonner que la semaine prochaine, ils aient tondu la pelouse. Hein, voilà, c'est limite si les gars ils ont pas laissé un panneau avec écrit dessus. Là, on est gentil, mais la prochaine fois, on plante des petits bosquets de bégonia. Hein, comme partout. Et on chantera plus près de toi, mon Dieu, en version power metal. Non! Hein, alors le problème c'est que les associations catholiques, parce qu'il y a le mot enfer dans Hellfest, ils sont persuadés que les festivaliers vont se mettre à prier Satan en sacrifiant des animaux dans des messes noires. Mais non, pas tous. Alors, il faut pas faire de généralité. Heureusement que tous les catholiques, d'ailleurs, ne sont pas aussi bas du front. Hein, même si, visiblement, vous avez moins de chances de devenir un adepte de Satan si vous êtes fan de hard rock que de devenir délinquant si vous êtes catholique en Loire-Atlantique. Hein, je peux dire que moi, je suis déjà allé au Hellfest. C'est beaucoup plus potache que ça. Hein, pour les catholiques qui nous écoutent, mais c'est pas dur. C'est exactement pareil que les Journées Mondiales de la Jeunesse, mais avec beaucoup de bière. Hein, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de bière. Moi, faut savoir, j'ai couvert le Hellfest pour France 4 il y a 4 ans. C'était 3 jours de tournage. Et ben, c'est vrai qu'on a beaucoup bu. Hein, voilà. Les 2 derniers jours de tournage, je les ai découverts quand j'ai vu le reportage à la télé. Alors, j'ai fait ça, moi. Effectivement, on a quand même pas mal bu. Alors, pour terminer, donc, eh bien, une histoire de vrai suppôt de Satan, si vous voulez bien, puisqu'il y a 9 ans, on était le 6 juin 2006, et une bande de satanistes, s'était mise en tête qu'à cause de la date 666, le 6 juin 2006, ça allait marquer le retour de Lucifer sur la Terre. Et ils avaient prévu, du coup, de faire une grosse fête, une grosse messe noire pour fêter ça. Et ben, ils ont attendu toute la journée, les gars. Hein, 14h, 15h, 20h, et ben non, Lucifer, il est pas venu, les mecs. Résultat, vous avez des satanistes qui se sont retrouvés à terminer tout le taboulé, à manger tous les grillés aux pommes. Je peux vous dire, ça a fait une bande de satanistes déçus. Les gars, ils disaient, mais où, Lucifer? Eh ben ouais, Lucifer, il est pas venu. Donc, pas de raison de s'inquiéter. Rendez-vous à Clisson fin juin pour le 10e Hellfest. Merci à tous. Merci Thomas VDB. Et justement, on va parler du pape François qui se pique de politique juste après notamment Guillaume Meurice et la musique. Et je rappelle, enquête sur l'engagement des jeunes, c'est la couverture de Regards pour le numéro Printemps. Printemps-été 2012, c'est la collection. Très beau, c'est la collection Printemps. C'est la collection Printemps de Regards. Avec un peu de Podemos, un peu de démocratie. Et une enquête pas très printanière, un peu rude aussi, hein, sur l'engagement des jeunes aujourd'hui. Démocratie, comment la réanimer notamment. Et Paysans indiens en lutte, la révolution verte, c'est dans Regards. Il faut printemps. Dire, même si vous êtes de droite, c'est très joli sur une table basse, par exemple. Le, ouais, on va le lire. Voilà. Juste à côté de la c'est chaîne beau, IFI. C'est beau. Search for someone to be quiet with, who will take me home. You go to loud places to find someone who will take you higher than I took you. I take you to higher places you can't reach without. We'll be right back. without me. When you come down, I won't be around. Loud Places, c'est Jamie XX. C'est la playlist France Inter, pas en grève, mais c'est la playlist quand même. Non mais faut rester, les rester. Restez avec nous. Nous sommes en compagnie de Clémentine. Elle était bien cette Autain. Playlist. Ah oui, elle était bien. Hein. Et la grève aussi. Pas hein. Trop quand même. Oui, bien. Faut rappeler à l'auditeur que vous étiez l'invité du premier jour de grève. Exactement. C'est vraiment voilà, il y a qu'une une force. Voilà. Alors nous avons raison d'espérer. Pourtant nous dit Clémentine Autain, c'est paru chez Flammarion. On va aborder le deuxième sujet avec vous parce que le Pape a dit que... Mais vous n'avez pas dit tout à l'heure quand même, dans Regard, il y a la table ronde sur démocratie, comment la réanimer quand même. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit avant. J'insiste sur des éléments d'espoir. Et d'ailleurs, vous faites bien d'intervenir parce que j'allais lancer le sujet 2. Alors que le sujet 1 bis, c'est Guillaume Meurice. Bah quand même. Cette heure-ci. Ah, là, vous allez apprécier. Là. Oui. Parce que moi, je vais vous parler aujourd'hui de la naissance du bébé royal au Royaume-Uni. Et oui, parce qu'au départ, j'étais comme vous. Je m'en foutais autant que de la première épisiotomie de la reine Elisabeth. Et puis, j'ai regardé les chaînes d'infos ce week-end. Et au bout de 2 heures, j'étais incollable sur la viscosité du placenta de la duchesse de Cambridge. J'étais tout simplement informé et j'étais heureux. Et je me suis dit que c'était dommage qu'en France, à cause de cette foutue république, on n'ait plus cette joie-là. Bon. Oh, il y a la dynastie des Le Pen, là, ce week-end. Oui, voilà. Heureusement qu'il reste. Heureusement. Bon, hein, ça, on a un président aussi qui s'accouple souvent, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Même avoir un enfant avec Ségolène Royal ne suffit pas à offrir au pays un bébé royal. C'est vrai. D'ailleurs, à propos de cette confusion, j'ai contacté Éric Rossan, délégué adjoint d'un mouvement qui prône le retour à la monarchie, Alliance Royale. Est-ce que vous souffrez pas en tant que royaliste de l'amalgame avec les soutiens de Ségolène Royal ? Ça a déjà arrivé quelquefois sur des marchés, oui, ça c'est plutôt plaisant. Bon, ceci dit, en passant, souvent on se pose la question de savoir comment cette dame absolument charmante, au demeurant, voilà, elle ressemble tellement à une famille traditionnelle qu'on se demande ce qu'elle fait là-bas, quoi. Eh ben oui, c'est vrai ça, elle a tellement un physique de première communiante qu'on se demande bien ce qu'elle fout chez les dégénérés socialistes. Mais bon, c'est pas la question. La question, c'est comment pourrait-on imaginer un retour à la monarchie ? Est-ce qu'on devra élire un monarque, par exemple ? Demandons à Eric. Non, les Français choisiront. Quel monarque régnera alors ? Le monarque sera celui qui sera désigné, soit par l'Assemblée, soit par un référendum, C'est bien ce que je dis, il sera élu. Oui, à ce moment-là, ce sera une élection, le premier. Ah là, le premier monarque sera élu. Et puis après, il faudra qu'il se reproduise, évidemment. Mais alors, s'il est homosexuel, comment on fait ? Parce que le problème, c'est qu'Éric, il n'est pas hyper favorable au mariage pour tous. Alors comment faire ? Ah mais ils ont été homosexuels, il y en a. Du moins, les méchantes langues le disent. Moi, j'étais pas là avec la bougie. Hein. Et quand on regarde certains ouvrages et certaines critiques, on parle d'Henri III, si je dis pas de bêtises, on en parle d'autres. Ah ben voilà, aujourd'hui, il pourrait se marier. Bah oui, mais à l'époque, c'était pas... Et puis bon, comment avoir un héritier ? Ah ben vous adoptez. Ben non, c'est pas par le sang. Oui, mais c'est pas grave. Masculine et en ligne directe. Ah ben non, puisque un roi, c'est un roi. Sinon, en ce moment-là, tout le monde le devient et on retourne à la République. Ah oui, bon, je suis quand même pas certain qu'en République, tout le monde puisse devenir roi ou président. Fin de la monarchie ne veut pas dire fin de l'oligarchie. Attention, hein. Il y a qu'à regarder à l'Assemblée nationale. Il y a autant d'enfants de prolo que d'idées progressistes dans la tête de Clara Dupont-Mono. Vous m'avez manqué, Clara, vous m'avez manqué. Mais la question de l'héritier n'est pas une question anodine, car le débat fait rage au sein de la mouvance royaliste pour savoir qui pourrait prétendre au trône de France. Qu'en pense Éric ? Actuellement, des princes d'origine capétienne, il y en a. Des gens qui descendent des capétiens, il y en a. Je crois même savoir que M. Hollande descend de Saint-Louis. Alors, voilà. Vous voyez, ah bah voyez. Mais sans plus. C'est pas parce qu'on... Vous savez, il y a des règles. Il faut descendre en ligne directe. Hein. Ah oui, il faut descendre en ligne directe. Ça, c'est le problème. Parce que moi-même, je descends en ligne directe de Philippe Auguste. Mais uniquement en ce qui concerne la RATP. Hein, donc ça ne suffit pas. En plus, j'ai un changement en République, donc ça va pas le faire. Vous voyez, c'est quand même très compliqué. Alors, que pense de tout ça un autre royaliste, Pierre Bodin ? Il est président de l'Union des Cercles Légitimistes de France. Je suis très heureux lorsque le duc d'Anjou a des enfants. Comme ça, on est sûr d'avoir des héritiers dans cette branche. Ah oui, mais il faudra d'abord que le duc d'Anjou revienne sur le trône. Ah oui, bien sûr, ça reviendra un jour, vous savez. Ah, bah on espère bien que ça reviendra un jour. Enfin, on espère au moins pour le duc d'Anjou lui-même, hein, parce que pour l'instant, il croule pas sous le boulot, le gars. À part provoquer une descente d'organes de Stéphane Bern à chaque fois qu'il le croise, il n'y a pas grande utilité, hein, l'hypothétique futur roi de France. Mais d'ailleurs, d'où tient-il sa légitimité? Demandons à Pierre Bodin. Il tient sa légitimité de par sa désignation, et sa désignation, c'est la providence. C'est... Qu'est-ce que vous appelez la providence ? Disons que l'Église chrétienne, de façon générale, parle de providence. D'accord, donc ça serait Dieu. Il tient son pouvoir de Dieu. Ah oui. Bah, ouais, mais alors là, si le gars est choisi directement par Dieu, c'est quand même un peu triché. Ça valait pas la peine d'emmerder Jean Tibéri parce qu'il faisait voter des gens qui n'existent plus. C'est pour faire voter un gars qui n'existe pas. D'ailleurs, je dis le gars est choisi parce qu'il doit forcément s'agir d'un garçon et pas d'une fille. Pourquoi ça, Pierre ? C'est une tradition et lorsque cette tradition n'a pas été suivie, ça a provoqué des guerres. En Bretagne, où les lois fondamentales ont été abandonnées. Mais alors pourquoi ils avaient fait quoi à la place alors ? On en était revenu aux lois celtes, aux lois bretonnes. Et ils avaient mis une reine plutôt qu'un roi ? Ils avaient mis une duchesse plutôt qu'un duc. Ah oui. T'as été la catastrophe. Oui, c'est l'histoire, ça. C'est implacable. Mais en République aussi, il y a de quoi être catastrophé quand on évoque les femmes au pouvoir. Alors, ne me sautez pas à la gorge tout de suite, Clémentine. Je veux parler du nombre de remarques sexistes qu'on peut entendre, par exemple, sur les bancs de l'Assemblée nationale. On se dit qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des têtes qu'il faudrait couper, mais d'autres attributs beaucoup plus masculins. Merci, Guillaume Meurice. C'est le comique d'investigation, parce qu'on a appris, on en a appris de bien belles, grâce à vous. Merci. À votre service. Et je rappelle qu'à partir de demain, et tous les mardis à 21h30, on pourra vous voir à la Nouvelle Scène dans votre spectacle qui s'intitule Que demande le peuple. Voilà, un spectacle de droite. Tout de suite, le sujet 2 avec vous. Clément, c'est ça ? Pardon ? Sur la péniche, donc il est entre les deux. Hein. Ah, vous êtes entre la rive droite et la rive gauche. Vous êtes pile au centre. Ancré rive gauche. C'est vrai. Et vous faites bien de le relever. Ça me donne un petit côté modem du coup. C'est vrai. Allez, on est avec Clémentine Autain jusqu'à 18h. On va parler avec vous du sujet 2. C'est le pape. Le pape a dit que, je cite, ceux qui n'osent pas se mêler de politique par peur de péché se trompent. Hein. Alors, comment se tromper quand on a Dieu pour conseiller ? Tu n'as pas l'air satisfait, Don Camillo, et pourtant tu viens de gagner ta bataille. Une bataille, Seigneur, pas la guerre. Ils ont eu la majorité aux élections. Il n'y a pas de raison qu'ils perdent le référendum. Ou alors il faudrait quelque chose qui retourne l'opinion, mais quelque chose d'énorme, d'inattaquable. Là, Seigneur, là, vous devriez m'aider. Mais Don Camillo, moi je ne fais pas la guerre. Je sais, Seigneur. Eh oui, la politique et la religion dans d'autres pays. J'ai eu un douche. Donc, Camillo, qu'est-ce que Charles Pasqua. C'est un papier dans La Croix aujourd'hui. Le pape a donc réuni 4000 laïcs italiens et au détour d'une question de l'un d'eux, il a expliqué que les baptisés ne doivent pas hésiter à descendre dans l'arène, quitte à se salir un peu les mains et le cœur. Il dit même, on peut devenir saint en faisant de la politique. Et La Croix donne l'exemple du procès en béatification de Robert Schuman qui est en cours. J'ai trouvé ça magique. Alors qu'en politique, il y a quand même beaucoup de procès, pas forcément en béatification. Mais là, oui. Donc le pape qui dit, les catholiques ne peuvent pas regarder comme ça du bord du bénitier, il faut y aller, engagez-vous, même quitte à se salir un peu les mains et le cœur. Mais qui croit que les catholiques regardent sur le bord du chemin ? C'est un peu, et en particulier le pape. Le pape fait de la politique, les papes successifs ont toujours fait de la politique. Ils ont toujours fait de la politique. Alors, un peu trop à mon goût. Un peu trop à votre goût. Alors celui-ci... Un peu plus que les autres, on l'entend. On l'entend pas mal, mais donc je suis pas une spécialiste de la parole du pape. Je vais être très très honnête. Je ne vais pas rentrer dans une sorte d'exégèse que je ne maîtriserai pas. Qu'il la prenne la parole, ça vous angoisse ou quand il dit quelque chose qui va un peu dans votre sens ? Ça dépend. C'est un pape qui rompt avec ses prédécesseurs pour dire mettez le préservatif. Je trouve ça mieux que celui qui laisse perpétrer des pratiques qui sont dangereuses. Par exemple, là-dessus, sur. Oui, quand il dit quand quand l'Église dit qu'il faut lutter contre la culture du déchet qui tue les bébés à naître, j'imagine que... Voilà. Après, la religion, quelle qu'elle soit, n'a jamais été, de par l'histoire, un point d'appui progressiste. Hein, ce n'est pas une grande découverte que je suis en train de vous raconter là. Donc, c'est une banalité. Mais, donc, c'est pour ça que je peux le taquer pour qu'il passe leur vie à faire de la politique. Mais on peut être catholique et de gauche. C'est pas, voilà. Oui, ce n'est pas incompatible. Alors, même tradition, les chrétiens de gauche. Les, et dans ce cas-là, on lit Télérama. Et dans ce cas-là. Exactement. Et alors, donc, le pape voit dans la politique, je vous le cite parce que c'est tellement savoureux. Hein, je vous recommande la croix aujourd'hui. Le pape voit dans la politique une sorte de martyr, un martyr quotidien. Celui de la recherche du bien commun sans se laisser corrompre. Et oui, c'est le halo de blancheur. Voilà, et c'est là que je recommande la lecture de Marc Duguin. oui, vous en parliez. À ce moment, ça arrive encore. Quinquennat, le premier numéro, le premier volet, c'est c'était l'emprise. C'était déjà pas mal, mais Quinquennat, je vous assure, qui vient de sortir, on attend le troisième avec impatience. De toute façon, visiblement, il a déjà vendu en série télévisée, donc on l'aura prochainement en coupure. Mais c'est vrai que c'est une vision noire, très très noire de l'espace politique, mais qui montre la fin d'une monarchie, hein, qui est notre monarchie républicaine, avec sa dimension de corruption et des individus qui, au sommet de l'État, finalement, sont entre eux, ne pensent qu'à eux et sont assez éloignés des préoccupations du grand nombre. D'où le tous pourris. Je déteste cette idée du tous pourris parce qu'y compris, il y a des milliers d'élus en France, quelle que soit leur étiquette, qui se donnent corps et âme, etc., pour essayer de faire avancer. Qui sont des martyrs, comme dit le pape. Des martyrs, hein, des martyrs du quotidien. Non, mais ça, je ne crois pas à cette idée-là. En revanche, il faut. La politique a besoin aujourd'hui de sortir de l'état de médiocrité dans lequel il se trouve. Et je pense que tant qu'il ne sort pas de cet état de médiocrité et que nous ne sortons pas également de cette monarchie républicaine qui est un système à bout de souffle complètement, je ne vois pas comment le lien peut être renoué et vous dites dans entre la majorité de la population et les institutions et pas simplement la politique. Et vous quand vous regardez les rumeurs qui ont eu lieu, moi ça m'a frappé parce que dans ma ville, il y a une des écoles où il y avait un quart des élèves absents au moment, vous savez, de la journée du retrait. Ou une simple rumeur disant que l'ABCD de l'égalité, on allait apprendre qu'il y avait la masturbation, que les instits allaient masturber, qu'on allait apprendre aux enfants à être des homosexuels, etc. La simple rumeur est devenue pour un quart des parents, des enfants scolarisés, supérieure à la parole institutionnelle. Ça veut dire que la politique, les institutions, le système institutionnel est aujourd'hui délégitimé et délégitimé en particulier dans les milieux populaires parce qu'ils se savent, ils se sentent et à raison méprisés par l'espace politique et par les institutions. Donc ça veut dire que c'est tellement grave, c'est tellement profond et c'est le terreau du Front National qui lui propose un projet autoritaire, conservateur, xénophobe, qui est cette France éternelle, d'ordre, etc. Et vous qui est vous une réponse possible extrêmement dangereuse et qui diviserait le peuple. Et je pense qu'en face, nous n'avons pas encore le mordant, le tranchant, la capacité aussi à montrer la cohérence de la lutte pour les conquêtes sociales en même temps que une transition écologique, que l'égalité homme-femme, que des façons aussi de dire l'égalité dans les termes contemporains. Il parlait du métro tout à l'heure, mais la question des transports, par exemple, et du développement des villes à l'heure des mégalopoles, etc. Mais vous je pense qu'on ne trouve que si l'on cherche. Je ne vais d'abord, c'est faut pas moi qui l'ai trouvé. Cette phrase, parce que vous ne mettez pas de points dans vos phrases. Je ne mets pas assez de points dans mes phrases. Voilà, c'est ça le problème. Il faut que je mette davantage. Mais je la vois, elle me regarde avec un doigt comme ça. Mais les autres, il y a Clara Dupont-Mono qui doit parler. Je me méfie du point. C'est vrai, ouais. Vous dites que les politiciens ne lisent pas assez, ça c'est clair. Ah, bah. Et oui, et Clara Dupont-Mono est là pour le confirmer. Je n'ai pas lu le roman que je voulais lire de Clara Dupont-Mono, donc je suis c'est votre la côté faille. Fleur pèlerin. C'est mon côté fleur pèlerin, voilà. C'est ça. Allez-y, Clara, qu'allez-vous faire découvrir à Clémentine Autain et à nos auditeurs. Apprenez, Clémentine, que l'actualité, c'est aussi un anniversaire. Alors qui est là, c'est passé inaperçu, qui a eu lieu la semaine dernière, et qui pourtant reste un modèle assez inégalé dans notre histoire européenne. Et c'est que vrai. Que vous avez Nous sommes à Lisbonne dans la nuit du 24 au 25 avril 1974. Je le fais un peu à la Pierre Bellemare de ma VDB, mais lorsque soudain, à minuit, alors minuit 15 exactement, s'élève depuis la radio une chanson. Une chanson qui est restée célèbre et qui commence par un bruit de pas. Prendo la Villa Morena, terra da... La version portugaise. 5 km à pied. Non, c'est pas ça. C'est une chanson. Ah là là là là. Vous avez vu, Clémentine, vous me plaignez. À cet instant précis, vous me plaignez. Cette chanson VDB, élève VDB, apprenez que cette chanson de Zeca Alfonso a déclenché la révolution des œillets au Portugal. Et elle a été classée seulement l'année dernière par l'UNESCO au patrimoine universel immatériel. Elle a quand même attendu, vous voyez, 1974-2014. Alors, aux premières notes. La révolution devenue patrimoine. Oui, non, mais c'est la chanson immatérielle. Parce qu'il faut savoir qu'aux premières notes de cette chanson, qu'est-ce qui se passe? 5000 soldats entrent dans Lisbonne avec des tanks et la dictature, qui ne s'attendait pas du tout à une telle révolution, va se calfeutrer dans un bâtiment de la gendarmerie. Les soldats se positionnent face au bâtiment avec les canons des tanks pointés vers lui et c'est là que les fleuristes de Lisbonne surgissent pour offrir des brassées d'œillets aux soldats qui les glissent dans leurs canons de fusil. C'est donc la révolution des œillets. Donc, est-ce que la fleur peut servir de mitraille? Eh bien, le Portugal a répondu oui et le soir même, la démocratie a été installée après 48 ans de dictature, tout ça sur fond d'œillets, et le monde entier était sidéré. Une petite bande de terre, de la taille d'une serviette de bain, sans aucune importance, se transformait soudain en une fiancée désirée par tous. Ce résumé que je viens de vous faire, c'est l'écrivain portugais Lydia Jorge qui l'a écrit dans un livre qui vient de paraître, qui s'appelle Les Mémorables. Et si vous voulez tout connaître des dessous d'une révolution, Clémentine Autain, lisez ce livre. C'est l'histoire d'une jeune journaliste qui est née à Lisbonne et qui un jour va trouver en haut de la bibliothèque de son père caché une photographie. Et sur cette photographie, il y a un groupe d'hommes attablés au restaurant et ce sont tous les piliers de la révolution des œillets. Il y a même son père. Et elle va les retrouver les uns après les autres. Elle va leur soumettre la photo et laquelle va agir comme un révélateur. Il y en a un qui reçoit l'image comme un coup de poing, qui reste comme sa bouche bée qui ne peut plus parler. Il y a celui qui caresse amoureusement la photo. En gros, il y a ceux qui veulent oublier et il y a ceux qui ne pensent qu'à ça. Donc c'est aussi nos liens avec la mémoire, liens souvent compliqués. Et l'un d'eux a cette phrase, il dit « Ce fut une nuit qui n'arrête pas d'engendrer des nuits ». Parce que comme toute la révolution, très souvent, celle des œillets a été suivie d'une période de purge. Et Lydia Jorge écrit « Après la mini-Bastille, la mini-terreur ». Et ces révolutionnaires de la photo en ont évidemment pâti. Comble du comble, la démocratie, pour eux, ils vont la vivre comme un exil, ce qui est quand même phénoménal. Donc est-ce qu'à un moment, le courage politique doit forcément s'accompagner de sa désillusion? C'est une des questions qui courent dans ce livre. Et à un moment, la veuve d'un des révolutionnaires pose sa main sur son micro, pour pas que la caméra enregistre, et elle dit ceci, elle dit... Mon mari pensait beaucoup au mot liberté. Mon mari disait que très vite, elle a été agressée par ceux qui seraient toujours au sommet de la pyramide. Ils avaient été éduqués pour ça, pour vivre des deux côtés et dans tous les régimes. Constat ô combien universel et intemporel. Et il y a une autre question qui court dans ce livre, qui est, quand on a vécu de si près un événement exceptionnel, comment vous faites pour vivre normalement après? Vous voyez, comme quoi, un roman est grand par les questions qu'il pose. Inutile de chercher des réponses dans les romans, vous ne les trouverez pas, vous serez déçus. Par contre, dans les questions qu'il pose, en général grandes et magnifiques, ça, vous pouvez mesurer la grandeur d'un roman. Celui-ci en est plein, il s'appelle « Les Mémorables » de Lydia Jorge. Il est paru aux éditions Métellier. Merci Clara Dupont-Monod. Oui, ça me fait penser à ce livre qui a vraiment bien marché, qui est celui de Lydie Salvert et qui est magnifique, Pas pleurer, où justement c'est aussi la question, là c'est la révolution espagnole, mais c'est aussi le rapport à la liberté et qu'en faire et la mémoire et la transmission et les contradictions d'un mouvement révolutionnaire. Et je trouve très intéressant qu'il y ait dans le fond de l'ère littéraire, bien sûr il y a Houellebecq, bien sûr il y a ces auteurs qui accompagnent ce mouvement brun que l'on ressent, mais je crois qu'il y a une autre recherche du côté du sursaut révolutionnaire qu'on a pu voir avec Les Renards parlent l'année dernière, qu'on voit magnifiquement dans les romans de Lola Lafont, qui nous parle de ça, de cette liberté, de révolution et liberté. Et je trouve que ça raconte aussi quelque chose qui est peut-être en train de naître dans notre pays, dans notre imaginaire collectif. Et vous citez aussi Despentes et Piketty pour dire il y a des gens qui pensent le monde autrement que Finkielkraut et Houellebecq. C'est bien. Et tiens, il y a aussi dans... qu'on a raison d'espérer. Voilà. Et dans Regard, vous avez aussi votre chronique un peu littéraire. Vous conseillez Noémie Lefebvre, L'enfance politique. J'aime beaucoup la littérature contemporaine, c'est vrai. Ouais, Noémie Lefebvre, un très joli livre. Pas du tout le même. Mais c'est le rapport entre le viol et l'histoire. Et donc, finalement, que la folie. Enfin, c'est une interrogation un peu sur la folie. Et la folie, c'est le miroir, bien sûr, des idéologies. Enfin bon, Mais c'est un mais très joli roman. Vous avez répondu sur la chronique de Clara Dupont-Monod dont on peut retrouver les références sur franceinter.fr. Et donc écoutez, on va pas parler du sujet 3 parce qu'on manque de temps, mais je vous dis ce que c'était. C'était la passion des Français pour l'histoire à travers les chants révolutionnaires. On avait pensé à vous parce que la chronique c'est déjà ça. Et puis vous avez une maîtrise en histoire et à 10 ans vous vouliez être chanteuse, vous repreniez des chansons d'Abba sur les plateaux de télé. Donc on s'est dit vous voulez pas du tout être chanteuse. Non, j'ai lu ça. Ah, c'est vrai? Oui, que je voulais être chanteuse. On va retrouver ça. Ouais. Vous n'avez pas chanté des chansons d'Abba? Non, j'ai chanté, mais de là à dire que je voulais être chanteuse. En tout cas, peut-être pas être chanteuse. Oui, c'est possible. Voilà, donc on avait un lien à tout trouver, mais on va faire un petit. Voilà, un le petit sujet coach. Dont on ne parlera pas. C'était la musique histoire. Oh, bah, on est parti alors, news au kilo. Win, the yes. What do you want? Me too. Go back. Needs a no to win. No problem. News au kilo. There is a bit more. Je vous le mets. Again the no. Mais oui, on ne pouvait pas parler. On a parlé monarchie. On a évidemment parlé du Front National. Et j'ai l'impression qu'au Front National, c'est un petit peu comme les feux de l'amour. Marine convoque Jean-Marie car ils ont des choses à se dire. Ils ne se comprennent plus, mais s'aiment toujours. Papa, il faut que tu cesses maintenant. Jamais. C'est moi qui l'ai créée, cette entreprise. Tu ne peux pas me l'enlever. Oui, mais aujourd'hui, je la gère avec Florian et les résultats sont bons. Florian ne fera jamais ce que j'ai fait. Il n'est pas assez dur. Ce n'est pas vrai, papa. Il peut l'être. De toute façon, je n'aime pas les gens comme lui. Les pédants. Et il n'est pas de la famille. Papa, je suis en train de monter son mariage avec la sœur du cousin du frère de ton oncle. Dans 6 mois, Florian s'appellera Le Pen. Jamais! Jamais de mon vivant. Calme-toi, papa, et embrasse-moi. Je suis ta fille. Lâche-moi. Je préfère ma nièce. Je vais lui donner l'héritage. Non, papa! Jean-Marie va-t-il continuer à saboter les projets de sa fille? Marion va-t-elle accepter l'héritage? Florian prépare-t-il sa revanche? Et Bruno va-t-il regarder le petit journal ce soir? Vous le saurez dans le prochain épisode du Front de l'amour. Et voilà, une autre monarchie, comme disait Clémentine Autain. On n'est pas loin, Clémentine Autain. On n'est pas loin. La Corée du Nord, moi, j'en connais pas d'autres, c'est comme ça. Voilà. Clémentine Autain, je rappelle que vous publiez chez Flammarion « Nous avons raison d'espérer ». Heureusement, il y a une qui espère toujours, c'est vous, un fragment de vie politique. Et on n'a pas le choix. Mais oui, ça, là, il faut, hein, sinon. Alors, Regard aussi, évidemment, là, vous co-dirigez cette revue trimestrielle et la une de Regard pour le printemps 2015. C'est de la ZAD au djihad, enquête sur l'engagement des jeunes. Il y a aussi un portrait de Pablo Iglesias ou des questions sur la démocratie, comment la réanimer. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Avec grand plaisir. Bon voyage jusqu'à Sevran. Vous êtes conseillère municipale en Seine-Saint-Denis. Demain, on se retrouvera avec Marianne James et toute l'équipe. Et là, je laisse. Et ce soir, on va voir Frédéric Fromet en spectacle. Ah voilà, oui, avec en première partie Guillaume Meurice. Oui. Je laisse le mot de la fin à la divine politique. Il faudrait. Quelque chose qui retourne l'opinion, mais quelque chose d'énorme, d'inattaquable. Là, Seigneur, là, vous devriez m'aider. Mais donc, Camillo, moi, je ne fais pas la guerre. Je sais, Seigneur.